Chapitre 2. De retour chez eux, les deux beaux-frères racontèrent à Madame Guichard et à leurs amis tous les événements étranges de cette journée. Ils dirent l'embarras du curé, le soin pris de leur cacher la maladie de leur mère, la précipitation apportée à l'inhumation. Ils firent remarquer le mensonge évident commis dans la lettre à propos de la date du décès. Alors on se rappela certaines révélations faites par Fanny à plusieurs personnes d'Angoulême sur des faits étranges et scandaleux qui se seraient, selon elle, passés à la cure. Un jour, Fanny de Guizal était venue voir son fils. Comme Edmond lui demandait si elle était contente de sa place. « Pas trop, » répondit la mère. « Il se passe à la cure certaines choses qui ne me vont qu'à demi. »« Et quoi donc ?» dit le fils. « Ah, des choses qui ne peuvent pas se raconter. » Et comme Edmond de Guizal avait insisté, ainsi que deux voisins, M. Tachère, Maître Tailleur et sa femme, Fanny avait repris. « Eh bien donc, figurez-vous que M. le curé m'envoie à chaque instant porter des billets à une dame qui demeure auprès de chez lui, et je ne veux pas servir d'entremetteuse entre M. le curé et sa maîtresse, car elle est sa maîtresse, je le sais. « Es-tu sûr de ce que tu avances là ?» s'écria Edmond. « Pardine, » dit la veuve, « je les ai vus ensemble par un trou du grenier. » Et plus d'une fois encore. Aussi qu'il ne me cherche pas trop de querelles parce que je lui dirai son fait sans me gêner. » La même chose avait été racontée par Fanny à sa fille, Madame Guichard, qui l'avait engagée à se modérer au contraire et à ne rien dire. Quant à Edmond, tout en cherchant également à calmer sa mère, il lui avait conseillé, si elle ne se trouvait pas bien au service de M. Gotland, de revenir habiter avec lui. Quelques jours plus tard, Fanny venait de nouveau à Angoulême et remettait à son fils la lettre suivante. « Mon cher monsieur, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Mais d'après tout le bien que m'a dit de vous, madame votre mère, je prends la liberté de vous annoncer, au sujet de votre bonne mère, des choses qui, en vertu de l'amour filial qui vous anime envers elle, vous feront plaisir. C'est que je suis content d'elle, et la connaissant sous de bons rapports, je lui augmente son salaire. Elle gagne maintenant 100 francs. Veuillez agréer tous mes bons sentiments, Gotland, curé de Saint-Germain. » Fanny, en montrant cette lettre, raconta à son fils qu'elle venait d'avoir une prise avec son maître et qu'il l'avait menacé de la mettre à la porte. « Mais, ajouta-t-elle, je l'ai joliment relevé. Prenez garde, monsieur le curé, j'ai des choses que je pourrais dire. »« Quoi? Qu'avez-vous vu? Que pourriez-vous dire? Accouchez donc. Eh bien, j'accoucherai d'un enfant qui ne vous fera pas plaisir. Je dirai que vous êtes l'amant de madame du Sablon. J'ai des preuves. J'ai gardé une des lettres que vous m'avez données pour elle. » « À ce mot, disait Fanny, il est devenu doux comme un agneau, m'a dit que je ne le quitterai jamais, que je serai sa seconde mère, et finalement, il m'a donné cette lettre pour toi. » Tous ces souvenirs approchés des circonstances dans lesquelles avait eu lieu l'enterrement de Fanny parurent si singuliers que le fils de la défunte, Edmond de Guizal, se décida à écrire au docteur du Sablon pour lui demander un certificat énonçant la maladie à laquelle avait succombé sa mère, et en même temps, adressa à M. Gotland la lettre suivante. « Monsieur, à notre arrivée à Angoulême, nous avons fait part à la famille de la manière dont vous aviez agi à l'égard de notre mère et de la précipitation que vous avez mise à la faire enterrer. Nous avons relu votre lettre, dans laquelle vous annoncez sa mort du 22 décembre 1849, et votre lettre est datée de ce jour. Nous sommes arrivés chez vous le même jour. » À notre grande surprise, vous nous avez dit l'avoir fait enterrer à 4 heures, et d'après les renseignements que nous avons pris à Marton, vous l'aviez, à ce que nous a dit, fait enterrer avant. Nous avons aussi consulté les lettres que notre mère nous a écrites à votre service, et d'après ce qu'elle a pu nous dire, et qu'elle a avoué à vous-même, vous devez penser que nous ne sommes pas satisfaits. Il faut des preuves plus convaincantes que celles que vous nous donnez. Il faut que vous puissiez nous en fournir dans un bref délai. Si nous ne recevons pas de vous une réponse satisfaisante pour la satisfaction de la famille, nous serons forcés de faire une plainte au procureur de la République, car nous sommes tous outrés de la négligence que vous avez mise à nous écrire pour nous faire connaître la position dans laquelle elle se trouvait. Étant si près comme nous le sommes, nous ignorons comment elle est morte. J'ai l'honneur, etc., Edmond de Guizal. » Cette lettre n'obtint aucune réponse. Seulement, quelques jours plus tard, le sieur Godin, tailleur de plusieurs curés du diocèse et entre autres de M. Gotland, vint avertir la famille de Guizal que M. le curé de Saint-Germain était très mécontent et qu'il pourrait bien arriver qu'il fût poursuivi comme calomniateur s'il continuait à parler de lui comme il le faisait. Cette démarche, faite dans un but d'intimidation, eut précisément le résultat opposé à celui qu'on en attendait, et le 27 décembre, Edmond de Guizal adressa à M. le procureur de la République d'Angoulême une dénonciation contre le curé de Saint-Germain. Une information fut aussitôt ordonnée.